Acte chapitre 23. Et Paul, regardant fixement le conseil, dit, « Ô frère, je me suis conduit en toute bonne conscience devant Dieu jusqu'à ce jour. » Sur quoi le souverain sacrificateur Anania commanda à ceux qui étaient près de lui, de le frapper sur le visage. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, paroi blanchie, puisqu'étant assis pour me juger selon la loi, tu commandes, en violant la loi, que je sois frappé. » Et ceux qui étaient présents lui dirent, « Injuries-tu le souverain sacrificateur de Dieu ?» Et Paul dit, « Mes frères, je ne savais pas qu'il fût souverain sacrificateur, car il est écrit, « Tu ne médiras point du prince de ton peuple. » Et Paul, sachant qu'une partie d'entre eux était des Sadducéens, et l'autre des pharisiens, il s'écria dans le conseil, « Ô frère, je suis pharisien, fils de pharisien, je suis tiré en cause pour l'espérance, et pour la résurrection des morts. » Et quand il eut dit cela, il s'émut une dissension entre les pharisiens et les Sadducéens, et l'assemblée fut divisée. Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, ni d'ange, ni d'esprit, mais les pharisiens soutiennent l'un et l'autre. Et il se fit un grand cri. Alors les scribes du parti des pharisiens se levèrent et contestèrent, disant, « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme-ci, mais si un esprit ou un ange lui a parlé, ne combattons point contre Dieu. » Et comme il se fit une grande division, le tribun craignant que Paul ne fût mis en pièces par eux, commanda que les soldats descendissent, et qu'ils l'enlevassent du milieu d'eux, et l'amenassent en la forteresse. Et la nuit suivante, le Seigneur se présenta à lui, et lui dit, « Paul, aie bon courage, car comme tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, tout de même il faut que tu me rendes aussi témoignage à Rome. » Et quand le jour fut venu, quelques Juifs firent un complot et un serment avec exécration, disant qu'ils ne mangeraient, ni ne boiraient, jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Et ils étaient plus de 40, qui avaient fait cette conjuration. Et ils s'adressèrent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, et leur dirent, « Nous avons fait un vœu, avec exécration de serment, que nous ne goûterions de rien jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc maintenant faites savoir au tribun, par l'avis du conseil, qu'il vous l'amène demain, comme si vous vouliez connaître de lui quelque chose plus exactement, et nous serons tout prêts pour le tuer avant qu'il approche. » Mais le fils de la sœur de Paul ayant appris cette conjuration, vint et entra dans la forteresse, et le rapporta à Paul. Et Paul ayant appelé un des centeniers, lui dit, « Mène ce jeune homme au tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Il le prit donc, et le mena au tribun, et il lui dit, « Paul, qui est prisonnier, m'a appelé, et m'a prié de t'amener ce jeune homme, qui a quelque chose à te dire. » Et le tribun le prenant par la main, et l'ayant tiré à part, lui demanda, « Qu'est-ce que tu as à me rapporter ?» Et il lui dit, « Les Juifs ont conspiré de te prier, que demain tu envoies Paul au conseil, comme s'il voulait s'enquérir de lui plus exactement de quelque chose. Mais n'y consent point, car plus de 40 hommes d'entre eux sont en embûche contre lui, qui ont fait un vœu, avec exécration de serment, de ne manger, ni boire, jusqu'à ce qu'il l'ait tué, et ils sont maintenant tout prêts, attendant ce que tu leur permettras. » Le tribun donc renvoya le jeune homme, et lui commandant de ne dire à personne, qu'il lui déclarait ces choses. Puis ayant appelé 200 centeniers, il leur dit, « Tenez prêts à 3 heures de la nuit 200 soldats, et 70 cavaliers, et 200 archers, pour aller à Césarée. Et ayez soin qu'il y ait des montures prêtes, afin qu'ayant fait monter Paul, il le mène sûrement au gouverneur Félix. » Et il lui écrivit une lettre en ces termes. « Clodisia, au très excellent gouverneur Félix, salut. Comme cet homme, qui avait été saisi par les Juifs, était prêt d'être tué par eux, je suis survenu avec la garnison, et je le leur ai ôté, après avoir connu qu'il était citoyen romain. Et voulant savoir de quoi il l'accusait, je l'ai mené à leur conseil, où j'ai trouvé qu'il était accusé touchant des questions de leur loi, n'ayant commis aucun crime digne de mort ou d'emprisonnement. Ayant été averti des embûches que les Juifs avaient dressées contre lui, je te l'ai incessamment envoyé, ayant aussi commandé aux accusateurs de dire devant toi les choses qu'ils ont contre lui. Bien te soit. » Les soldats donc, selon qu'il leur était enjoint, prirent Paul, et le menèrent de nuit à Antipatrie. Et le lendemain ils s'en retournèrent à la forteresse, ayant laissé Paul sous la conduite des cavaliers. qui étant arrivés à Césarée, rendirent la lettre au gouverneur, et lui présentèrent aussi Paul. Et quand le gouverneur eut lu la lettre, et qu'il eut demandé à Paul de quelle province il était, ayant entendu qu'il était de Cilicie, « Je t'entendrai, lui dit-il, plus amplement quand tes accusateurs seront aussi venus. » Et il commanda qu'il fût gardé au palais d'Hérode.